traiter cette question en termes de proportion, et que c'était peut-être moins le cas à la radio et à la télévision. Donc là aussi, il y a des mesures qui sont relativement précises. Et donc ça, évidemment, c'est du pain béni aussi pour la politique, pour les communicants, pour voir effectivement quels sont les thèmes qui marquent les citoyens, sur quoi est-ce qu'il faut intervenir, sur quoi est-ce qu'il faut préparer les éléments de langage, préparer ces interviews, etc. Donc, on voit que l'éducation a été fortement traitée en télévision, mais que pour le reste, pas tellement, très écrite, radio. Et puis d'autres informations plutôt intéressantes. Vous avez d'un côté le jugement sur le niveau de pression médiatique, donc la façon dont on perçoit que les médias ont mis le paquet sur tel ou tel sujet ou pas, et puis la pression médiatique tout court, c'est-à-dire vous avez une différence entre la manière dont vous avez apprécié une information, dont vous avez consommé une information, et puis la manière dont les médias ont estimé qu'il fallait la médiatiser plus ou moins fortement. Donc par exemple, pour prendre ici un exemple concret, il y a eu des attentats à Beyrouth en 2015, il y a eu la question de la réforme du collège, et bien là, le jugement, c'est nous, hein, c'est les consommateurs de médias, on estime qu'on n'en a pas assez parlé. Et les médias, eux, ont estimé qu'il ne fallait pas trop en parler, qu'une faible médiatisation suffisait. Par contre, si on prend un autre exemple, comme par exemple, la fameuse sextape de Valbuena, faite par Benzema, enfin, on ne sait pas trop, les gens estiment qu'on en a beaucoup trop parlé. Même s'il y avait une faible médiatisation, c'était vraiment pas perçu comme quelque chose de très très important. Et évidemment, vous avez d'autres faits qui se retrouvent plus ou moins dans la moyenne. Donc tout ça pour donner un petit contexte aussi, et pour voir que c'est les outils qui sont également utilisés par les politiques, en tout cas par l'entourage, les spin doctors, les responsables de communication, justement pour calquer un petit peu la communication des élus là-dessus. Alors, on a déjà dit le récit médiatique, et on le voit d'ailleurs dans ces différents exemples, eh bien, il se présente aujourd'hui de manière ou de façon de plus en plus monothématique. Donc on va traiter tous les médias, toutes les chaînes d'information, tous les journaux, les radios, etc., vont parler d'un seul sujet. Bien sûr, il y a d'autres petits sujets qui vont apparaître, mais on va voir que durant en tout cas une semaine, 3 jours, 4 jours, on n'a parlé que d'une chose. Hein, pour le moment, c'est le CETA. Les événements vont être analysés, autopsiés, si vous voulez, sous énormément d'angles différents. Ils vont passer sous le scalpel, je dirais, d'une quantité d'experts, avant, en fait, de faire silence et de se retrouver au frigo, ou à la morgue informationnelle. Donc, on ne va plus en parler par la suite. Et ça, évidemment, ça change un peu la donne, puisqu'on a l'impression que les médias, surtout les médias traditionnels, ne sont plus capables que de traiter d'un seul sujet à la fois, sérieusement. Et donc, il y a un risque de saturation qui plane à chaque fois sur chaque sujet qui est uniformément mis à la une. Et comme dit l'adage, une nouvelle chasse l'autre, eh bien, c'est plutôt parfois une bonne nouvelle pour le politique qui se retrouve sous le feu des projecteurs, qui se retrouve en pleine crise. Si on prend par exemple l'affaire Galland, vous savez, la ministre Galland qui était. Des sérieux problèmes, des sérieux soucis avec son administration. On parlait que de ça pendant 3 semaines, 4 semaines. Je me souviens, il y avait l'émission de Décodeur en télé à l'époque, j'ai fait trois plateaux, à chaque fois c'était sur Galland. C'était absolument effarant. Et du jour au lendemain, malheureusement bien sûr, mais il y a eu des attentats à Paris, et on a complètement oublié l'affaire Galland. C'était plus du tout à l'ordre du jour. Et donc, pour elle, même si tout le monde a été affecté, bien sûr, par les attentats, probablement que d'un point de vue gestion de crise, ça a été une sorte de soulagement parce que tout à coup, elle ne se retrouvait plus sur le devant de la scène et à devoir se justifier en permanence. Donc, il y a un risque de saturation, il y a un risque d'oubli également, et des sujets sont, la plupart du temps, aussi présentés sous un format propice à cette surmédiatisation, ce qu'on appelle le buzz, hein, donc cette idée que un sujet qui fait le buzz, c'est un sujet qui se retrouve en permanence dans tous les médias. Et donc, le problème, c'est que si vous avez un buzz, si vous avez un sujet qui est hyper médiatisé, il a vite tendance à s'essouffler. Hein, il est éphémère. c'est une forme, vous savez, c'est comme les imprimantes qui ne fonctionnent plus quelques années ou quelques mois, c'est l'obsolescence programmée de l'information. C'est à un moment donné, on se dit, ben voilà, on a tout traité de trop parler. Et donc, pour prendre peut-être quelque chose que vous connaissez également, c'est l'information à l'ère de Snapchat. Hein, vous savez, vous avez l'information pendant quelques secondes vous pouvez avoir, et puis après, elle ne disparaît plus jamais. Et qu'est-ce qui correspond comme format il y a un phénomène qui illustre bien cela, un format médiatique qui maintenant est utilisé à toutes les sauces, c'est ce qu'on appelle le gate. Le gate, alors, pour prendre un exemple, ce que vous avez entendu parler il y a moins d'un an, c'est le mois de décembre, du Thalasso Gate, ou du Pénoir Gate. C'est quelque chose ? Rien du tout ? Ok. Donc, c'était ça. Hein, donc, pour la petite histoire, ça correspond parfaitement à ces descriptions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Eh bien, l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné, l'hebdomadaire française, c'est probablement, a dénoncé, juste après la phase de lockdown, le roi Philippe, qui était en réalité en villégiature thermale, donc en thalassothérapie, au moment où, dans son royaume, la menace terroriste était maximale. Et donc, on pouvait lire à l'époque, Philippe et Mathilde étaient en Bretagne, ils se reposaient en peignoir, allongés sur un transat, sirotaient un petit jus de fruits détox, profitaient d'un bain au bout de mer, des bienfaits d'une balnéothérapie, se faisaient masser, etc., etc. Et donc, le couple royal a été photographié à son insu, donc par des paparazzi, ce qui d'ailleurs pas dans l'habitude du Canard Enchaîné d'avoir ce type de pratique, mais bon. Et il s'est bien sûr fait fortement critiquer. Alors, c'est difficile d'interpréter la critique parce qu'elle a été perçue de manière différente à l'étranger et en Belgique. Hein, donc, alors il y a une critique vis-à-vis justement de cette déconnexion du roi par rapport à ce qui se passait en fait en Belgique. Donc, durant la phase d'alerte 4, en particulier au moment de la sortie de crise, le moment où on a dit « Ah, on n'est plus en alerte 4, on est en alerte 3 ». Très bien. Réévaluation du niveau d'alerte. Et donc, on ne comprend pas très bien le scénario, et ça aurait été, en tout cas, d'un point de vue communicationnel, intéressant d'avoir le chef de l'État, qui symbolise en tout cas l'État, la nation, etc., de venir en tout cas rassurer et d'expliquer ce qui est en train de se passer. Bon. Alors, est-ce qu'il y a un véritable décalage avec la communication royale ? Alors, ils sont bien sûr, certes, en séjour royal, en Bretagne et en séjour de Thalasso. Et le palais, la communication du palais, puisque eux aussi ont des responsables de communication, Pierre-Emmanuel Coupeau, pour ne pas le citer, qui est le DIRCOM du palais, et qui lui a dit mais écoutez, ce séjour était prévu de longue date, hein, on allait, enfin, il fallait quand même pas l'arriver, mais il a dit finalement, c'était peut-être pas une mauvaise chose que le roi soit loin des faits, parce qu'on aurait dû affecter une partie de la sécurité à la protection de la famille royale, etc. C'est un peu pathologé pour sortir de cette situation. En tout cas, c'était pas très lisible. Et donc, le palais aurait mal interprété l'esprit du temps, hein, ce qu'on appelle en termes philosophiques le Zeitgeist, hein, donc cette idée que tout le monde est en état d'alerte sauf eux. Alors que le pays, effectivement, a basculé en phase critique. Et donc, à côté de la réactivité qui est demandée au gouvernement, hein, le management de crise dont je parlais tout à l'heure, eh bien, normalement, on devrait avoir un roi qui joue son rôle institutionnel et qui joue un peu le rôle, si vous voulez, d'antidépresseur social, symbolise en tout cas un pays qui se serre les coudes dans les moments où ça va mal, etc. Pour ça, en général, c'est un peu le rôle des monarchies, de ce qu'on appelle en Angleterre, au Royaume-Uni, ce qu'on appelle la welfare monarchy, donc cette idée d'avoir des monarchies qui, accompagnent les soubresauts de l'opinion publique et essayent d'incarner justement cet esprit du temps que l'on retrouve dans les pays, dans des moments de crise. Bon, là, c'était pas le cas. Et donc, le contexte était aussi particulier, puisque comme je vous le disais, à cette époque, on était en plein Belgian bashing. Hein, c'est-à-dire que tous les médias, CNN, les médias internationaux, qui étaient parfois en duplex ici en Belgique, on avait les types de CNN qui étaient à Molenbeek, qui étaient en duplex pour montrer les journalistes qui se faisaient agresser, les journalistes de France 3 également. Donc, l'image de la Belgique était désastreuse à ce moment-là. Et donc, le contexte était particulièrement mauvais. Alors, voir en plus que chez l'État qui était à l'étranger, c'était pas je veux dire, porteur d'un point de vue communicationnel. Et pourtant, d'un point de vue purement belge, il n'y a pas eu de rupture de confiance vis-à-vis du roi dans ce contexte-là. Donc il y a eu deux interprétations de ce scandale. On a eu d'un côté, en fait, les médias internationaux qui ont beaucoup rigolé en disant « Regardez votre roi, il est en train de se faire masser alors que vous êtes coincé, vous êtes à le métro, vous ne savez rien. » Et du côté belge, on a plutôt vu ça comme une sorte de crime de lèse-majesté médiatique en disant « Mais qu'est-ce que vous en avez à faire ?» Enfin, pourquoi est-ce que vous voulez faire de la presse tabloïde sur la monarchie à un moment où on a peut-être d'autres chats, d'autres vols cats. Donc il y avait là également une sorte de contraste dans la réception. Ça, c'était juste un exemple pour vous montrer qu'est-ce qu'un guet. Et un guet, on en a retrouvé maintenant ces dernières années énormément en Belgique. Et c'est une sorte de, peut-être, de paresse journalistique de vouloir systématiquement transformer tout événement, toute anecdote, toute petite crise en guet. Hein. Alors on a eu bien sûr une quantité de guet ces dernières années. Alors en parlant de monarchie, on a eu le Fabiola Guet. Donc il y a quelques années, alors donc là évidemment c'était lié aux démêlés fiscaux de la défense reine Fabiola. On a eu le Jean Bonguet, Yann Yalbon, qui était qui est toujours lié à ce côté sulfureux de la MVA, en tout cas pour les partis francophones, friserait avec certains propos extrémistes, etc. On a eu dans la nouvelle le Frankengate, hein. Donc là aussi, il y a pour la prochaine affaire. Donc on a un format communicationnel identique, où le politique se retrouve enfermé pendant quelques semaines, quelques mois, parfois, dans cette hyper-médiatisation hystérique, en fait, d'un cas qui est parfois relativement anecdotique, que ce soit une sortie verbale, que ce soit un petit tweet, que ce soit quelque chose, enfin, ça n'a rien à voir avec une attaque, une menace terroriste, etc. Et puis, on a eu le Galanguet, hein, je vous parlais il y a un instant, le Galanguet et le fameux Thalasso Gate, etc. Alors bien sûr, tout ceci est inspiré par... donc on a affaire à des séquences hystérisées qui se succèdent, qui bénéficient toutes d'un traitement sensationnaliste, comme dans la presse à sensation, la presse à scandale, analogue, et donc des affaires qui sont très rapidement montées en épingle par les journalistes, et qui vont en fait s'essouffler très rapidement. Et donc c'est pas un hasard si notre ami Franken ou même Galin ou d'autres laissent couler, se disent on a l'impression qu'on a affaire à une crise de régime, mais en fait on sait très bien qu'il suffit d'attendre de tenir bon pendant quelques jours, quelques semaines, pour voir une autre affaire venir remplacer cette histoire. Et donc moi-même, je me souvenais plus très bien de quoi il s'agissait lorsqu'on me disait le Jean Bonguet, je ne savais plus ce que c'était. C'est une crise alimentaire. En tout cas, il y avait une sorte d'oubli qui directement va avec cette forme de médiatisation. Alors tout ça est bien sûr inspiré par le fameux Watergate américain, qui là était un vrai scandale d'État, avec des vrais problèmes liés à des écoutes, etc., le contrôle de l'information, et qui a abouti en 1974 à la démission de Richard Nixon. Et donc le suffixe Gate est depuis rentré un petit peu dans la culture populaire, et il vient d'écrire toute affaire d'État ou de scandale d'ampleur. Mais un scandale qui potentiellement peut déboucher sur la démission d'un gouvernement, qui peut déboucher sur le fameux impeachment, comme lors du Monica Gates avec Bill Clinton. Beaucoup d'entre vous sont bien sûr très très jeunes, et donc vous ne vous souvenez pas de cette histoire, mais le futur peut-être premier mari des États-Unis, il était bien sûr président à l'époque, et donc il y avait cette histoire avec sa stagiaire, aux États-Unis il y a toujours des bons petits relents puritains qui ressortent à tout moment, et bien c'est devenu une affaire d'État, et on a allé très très loin, puisque le président aurait menti sur ses relations extra-conjugales, et donc qui dit président menteur dit voilà, procédure d'impeachment, donc on essaye de le faire démissionner suite à cette affaire. Donc voilà en tout cas des gates historiques. Et à l'inverse, côté belge, les séquences présentées comme des gates sont souvent des constructions politiques totalement éphémères, elles vont en fait alimenter un certain nombre de journaux et d'acteurs politiques ou de commentateurs qui sont prompts à s'insurger. Et ça, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, maintenant, vous avez beaucoup de gens qui recherchent systématiquement un motif d'indignation transitoire. C'est des indignés professionnels, si vous voulez. Et jusqu'à la prochaine moulée thématique. Donc il y a une sorte de prise au vol de ces affaires pour en faire quelque chose de beaucoup trop grand. Et donc la conséquence de tout ça, et c'est un impact sur la politique, c'est que vous avez une standardisation des formats de médiatisation. Et donc toutes les séquences, qu'elles soient importantes ou non, qu'il y ait une vraie affaire en arrière, comme avec Watergate, ou qu'il y ait même Fabiola, la question de Fabiola, c'était quand même très important, c'était justement la question de la dotation royale, la question de où va l'argent, justement, de la monarchie, donc ça, c'était peut-être des affaires qui sont un peu plus importantes, mais qui sont élevées au même niveau, ou qui se retrouvent mises au même niveau qu'un mauvais tweet d'un ministre, ou une petite sortie en verbal d'un leader politique. Donc là, il y a un problème au niveau de la standardisation. Mais ça, évidemment, l'entourage des leaders politiques, on le sait, et donc on est dans une forme de tabloïdisation et de scandalisation de l'information politique qui devient très rapidement une sorte d'information prête à jeter. Et disposable, comme on dit en anglais, donc prête à être mis à la poubelle. Alors, voilà en tout cas pour un des phénomènes que l'on retrouve, et ça vient un petit peu fermer cette grosse parenthèse sur le développement du dispositif et le basculement médiatique en temps de crise. Et donc, encore une fois, la séquence qui vient logiquement après une séquence de crise, c'est la séquence d'émotion et la séquence de commémoration. Alors, là aussi, on a des exemples autour de nous où les leaders politiques vont essayer de capitaliser. Je ne sais pas quelle instrumentalisation, mais vont essayer un maximum de jouer cette carte de la commémoration et de l'émotion collective pour, de manière, recréer une sorte d'unité nationale ou, bien sûr, essayer de gagner des points aussi vis-à-vis de l'opinion publique. Alors, en France, il y a bien sûr François Hollande, qui est présenté par bon nombre de journalistes et d'observateurs comme le président des hommages et des commémorations. Et donc, qui dit commémoration, enfin, c'est avant tout la demande aux politiques d'une sorte de liturgie. Vous savez, comme dans une église, dans un contexte religieux, une liturgie, mais cette fois-ci, du vivre ensemble. Donc on va essayer d'incarner, lorsqu'on est un homme politique, l'émotion collective, et on va démontrer et prouver son empathie pour essayer, encore une fois, de reconsolider la société qui vient de vivre un traumatisme. Donc c'est toujours dans une phase post-traumatique. Alors, la plupart, comme vous l'avez probablement observé, début de cette année, en 2016, la plupart des rédactions et des chaînes de télévision ont débuté l'année 2016 avec des séquences commémoratives, c'est-à-dire avec un enchaînement d'émissions et d'éditions spéciales pour vous remémorer, vous rappeler les événements de la tuerie de Charlie Hebdo. Donc c'était pile un an plus tard. Donc des éditions spéciales anniversaires pour réévoquer les événements autour des attentats. Et donc les médias vont travailler justement ce souvenir, ces hommages. Ils vont se présenter comme opérateurs de mémoire. Ils vont faire un retour en arrière et vous réexposer les faits, vous refaire encore une fois le film des événements, et ils vont travailler à cette reconstitution des représentations collectives et qui devront également être portées par le politique. Alors on parle parfois en termes médiatiques ou politiques d'un pack mémoriel, donc un pack, un package, un ensemble mémoriel. Donc c'est tous les éléments dont on doit se souvenir, dont on doit reparler au moment où on réévoque, par exemple, la tuerie de Charlie Hebdo ou une autre catastrophe que l'on remémore. Et donc, donc, il y a une sorte de relecture consensuelle qui est proposée par les médias, avec des événements qui sont réaménagés, et ça nous crée nous-mêmes une sorte de souvenir commun, une sorte de mémoire commune. Alors, comme le dit d'ailleurs Louise Merzeau, qui est Thomas Weber, qui ont travaillé sur la question de la mémoire dans les médias, les médias ne vont pas en fait se contenter de reproposer, de répercuter les commémorations culturelles, sportives, politiques. Il y a aussi des commémorations sportives, hein, surtout en France. Vous savez que pendant 10 ans ou 15 ans, on a célébré la victoire du monde. Donc c'est une sorte de commémoration permanente. Et donc, les médias ont fabriqué eux-mêmes une sorte de commémoration en suscitant cette fameuse organisation, cette réorganisation d'événements conçus pour la médiatisation. Et donc, ils vont, d'une certaine manière, traiter toute l'actualité comme une donnée mémorable. Et donc là, il y a un problème, puisque les délais nécessaires à l'élaboration d'un temps historique s'en trouvent affectés. Puisque l'histoire, évidemment, elle s'inscrit dans une recherche, dans un temps beaucoup plus long. Étudier l'histoire, ceux qui peut-être ont un passé, ont fait des études en histoire, etc., on n'est pas dans une analyse en temps réel ou dans l'immédiateté, et surtout pas dans la médiatisation de ces événements, on est surtout dans une recherche critique de différentes sources, en croisant des sources, etc. Ce n'est pas du tout le rôle de la mémoire. Le rôle de la mémoire, c'est l'histoire vécue d'un point de vue émotionnel. C'est le vécu émotionnel partagé autour d'une séquence que l'on a collectivement vécue. Et donc les rapports entre histoire, mémoire et médias sont aujourd'hui de plus en plus enchevêtrés. Donc vous voyez qu'il y a bien sûr des hommages à foison, surtout que depuis 2014, on est dans le centenaire de la Première Guerre mondiale. Alors, on a aussi énormément d'événements autour de cette commémoration-là, qui est tout à fait légitime, 100 ans après, Première Guerre mondiale, tous les continents en l'air. Alors parfois, l'anecdote de nouveau, dont je vais vous parler dans un instant, vous avez des leaders politiques qui endossent justement ce rôle de grand prêtre de la mémoire, et qui vont parfois se tromper un petit peu, s'en mêler les pinceaux, parce qu'il y a peut-être d'autres éléments. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'il y a, en 2014, début de l'année, vous avez eu l'inauguration, je ne sais pas si c'est des Liégeois ici, mais l'inauguration à Liège d'un site qui justement célébrait, en tout cas, rendait hommage à cette guerre, à cette Première Guerre mondiale. Et donc, à cette occasion, il y a eu une inauguration présidée par, à l'époque, par Olivier Giroucault, toujours Premier ministre. Notre Premier ministre en affaires courantes, Olivier Giroucault, s'est également fait remarquer, mais un peu malgré lui, en prononçant son discours, le dernier de la matinée. On écoute. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Presidents, Excellencies, Ladies and Gentlemen, your presence here in Mons is a sign of respect for all the victims from all the countries involved in the First World War. Donc, il n'était pas à Mons, il était à Liège. Voilà. Donc, le problème, c'est que là où va aller au repos, Mons est avec lui. Donc, j'essaie de l'expliquer. Donc, en fait, il y a souvent un problème avec ce fameux pacte mémoriel. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on travaille la mémoire et non pas l'histoire, l'histoire c'est le travail des historiens, c'est le travail scientifique, une fois qu'on travaille la mémoire, c'est un travail émotionnel, on va essayer de recontextualiser, on va parfois être dans un anachronisme, puisque, par exemple, François Hollande souvent mélange un petit peu les séquences et va, lors d'une commémoration, à la fois célébrer et commémorer les victimes de la Première Guerre mondiale et ceux de la Seconde. Parce que finalement, ça n'a pas une grande importance. L'important, c'est l'émotion politique. Et en plus de ça, on va essayer de greffer ou d'ancrer cette émotion collective dans une culture ou dans un projet culturel politique qui peut être contemporain et qui n'a pas grand-chose à voir avec les enjeux de l'époque ou le souvenir et le temps primordial. Et donc, il y a eu cette affaire en France, à Verdun, cette année, autour de la présence de Black M, un chanteur qui était invité à Verdun pour clôturer. pour clore les célébrations, enfin, la commémoration liée à la bataille de Verdun. Et là, on voit vraiment cette espèce de, je dirais, ce court-circuitage d'un côté de l'histoire, l'histoire au sens, au sens noble, c'est-à-dire vraiment travailler dans les histoires, dans les romans, etc. Et puis, ce que veut en faire l'État, c'est-à-dire une occasion de commémorer et de mettre en avant un pacte mémoriel qui met en avant des éléments tout à fait contemporains liés à une politique de la jeunesse, une politique de la diversité, une politique qui est liée à des éléments qui sont tout à fait, je dirais, d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est pour ça que je disais qu'on était parfois dans l'anachronie. Et ça donne des conflits, qu'on va voir dans cet extrait. L'affaire faisait déjà la une du journal local. Après l'annulation du concert de Black M, dans les rues de Verdun, les échanges sont parfois tendus. Ça faisait plaisir, au moins, on aurait une belle activité à Verdun, c'est une petite ville. C'est pas souvent qui est... C'est pas... Quand on a des verres de... Faut s'occuper des jeunes. Faut leur donner quelque chose. Mais ce jour-là, c'est un jour de commémoration. C'est pas un jour de fête. Apparemment, il y a eu énormément de pression dont on n'aurait pas dû tenir compte. Et c'est un peu déplorable. Le maire justifie sa décision. Il craint des troubles à l'ordre public et dénonce un déferlement de haine et de racisme, comme le secrétaire d'État aux anciens combattants. Je suis choqué par la pression des tchétophones, par la pression des anonymes, par tous ceux qui sont déchaînés sur les réseaux. C'est grave pour la liberté, c'est l'expression. C'est les premiers pas vers le totalitarisme, mais bon, je n'hésite pas à dire vers le fascisme. Le chanteur Black M a réagi sur les réseaux sociaux en publiant cette photo. Rappelle que son grand-père a combattu avec les tirailleurs sénégalais pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui qui désignait la France comme un pays de mécréants en 2010 se dit aujourd'hui fier d'être un enfant de la République. Vous voyez que ça évoque... Ça évoque pas mal de problèmes tout à fait contemporains et qui ne sont pas liés. Alors, comme je disais, peut-être, enfin, je trouve assez justement, une des dames qui était interviewée dans ce micro-trottoir, qui apporte beaucoup de choses à l'information, il y a une différence entre commémoration et fête, festivité. Et ça, souvent, pour le coup, aujourd'hui, a tendance un peu à l'oublier. On va voir un autre exemple après. J'essaie de transformer quelque chose qui est de l'ordre du souvenir, encore une fois, de l'histoire, de la mémoire, à. Qui porte des messages tout à fait modernes. Alors après, le coup de François Hollande, il a dû se justifier par rapport à ça, donc ça a été quand même assez loin, cette histoire. Le maire avait pris cette initiative qui était après la cérémonie, pour que les jeunes puissent avoir un moment festif une fois que nous ayons fait les célébrations avec Mme Merkel. Il a subi des pressions, mais inouïes, de violence, de haine, parce que c'était la haine qui avait été choisie. Et ne voulant pas créer d'incident, voulant sans doute préserver l'ordre public, il y a renoncé. Moi, ce que je peux lui dire, c'est que c'est sa seule décision, puisque l'État n'avait pas à en connaître, mais c'est sa seule décision. Et que je comprends que des jeunes puissent aussi être associés, que Black M puisse, alors qu'il est lui-même d'origine guinéenne et qu'il rappelait que son grand-père avait été tirailleur sénégalais. Si le maire voulait, c'est à lui de l'en décider, eh bien l'État mettrait les moyens pour sécuriser le concert, et de toute façon les subventions qui avaient été promises pour ce spectacle ou pour d'autres seraient de toute façon maintenues. Oui, donc c'est compliqué. et donc on voit en fait que là il y a une sorte de, voilà, d'enchevêtrement en tout cas de l'actualité et de la mémoire. Et c'est toujours compliqué pour les politiques. Et même lui aussi, là, explique bon, avec Mme Merkel, on fait notre petite commémoration, et puis là, c'est la fête. Donc, ça restera toujours symboliquement, en tout cas, problématique, et un terrain relativement miné pour le pays. Alors, enfin, quoi qu'il en soit, on le voit que la succession des hommages, des solennités qui sont aujourd'hui liées à un calendrier commémoriel. Un calendrier de commémoration, puisque le problème, c'est qu'on a énormément de commémorations. Quand on dit que François Hollande est un président des sondages, des hommages, c'est qu'en fait, il n'en sort jamais. Il y a à chaque fois quelque chose à commémorer, quelque chose à célébrer. Et donc, le problème, c'est qu'on arrive plus, on n'est plus dans un exercice de recueillement ponctuel, mais de recueillement en continu. Donc ça enlève sa substance, encore une fois, à ce devoir de mémoire peut-être, ou en tout cas à cet hommage rendu, et on est dans la même situation qu'avec les informations tout à l'heure, c'est-à-dire une commémoration, une remémoration chasse l'autre. Donc là aussi, ça pose peut-être question, aussi d'un point de vue symbolique politique, et on est dans une forme de marronnier. Vous savez ce que c'est un marronnier, c'est quelque chose c'est cette idée en fait que chaque année, à la rentrée, vous avez le petit reportage, le petit micro-trottoir sur les mamans qui vont acheter des cartables pour leurs enfants et le prix de la trousse qui a monté, etc. Ou alors, au moment des soldes, vous avez, on va chez H&M, je ne sais pas où, interroger les gens, alors les prix sont bas cette année. Oui. Donc un marronnier, c'est ça, c'est une espèce d'informations qui reviennent systématiquement, qui n'apportent absolument rien en termes de valeur ajoutée, mais qui font un peu partie du folklore journalistique. Et le problème, c'est qu'avec toutes ces commémorations, on entre dans un cycle infini d'hommages et on ne s'y retrouve plus. Vous savez, c'est comme les journées de quelque chose. Il y a même un calendrier, vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez regarder. Chaque jour, c'est la journée de quelque chose. La journée des respirateurs artificiels, la journée de... Enfin, c'est fabuleux. La journée du chocolat. Enfin. Et donc, on est dans une sorte de marronisation, de marronnier en permanence. De succession de séquences commémoratives, de séquences émotionnelles, et qui sont en fait médiatiquement coordonnées. C'est-à-dire qu'il y a un calendrier médiatique, vous savez très bien que durant cette période, on va parler de tel et tel sujet, on le verra la semaine prochaine, la semaine suivante, et que ce calendrier commémoratif et parfois caritatif, eh bien, il est très important à garder à l'esprit pour les hommes et les leaders politiques, parce qu'ils doivent aussi calquer leur discours sur toutes ces séquences commémoratives, sur tous ces hommages. Ils doivent dire, ah, dans une semaine, on va aller fleurir la tombe de tel soldat inconnu. Dans une autre semaine, on va aller célébrer la mémoire de tel ou tel homme illustre, ou se recueillir sur les victimes des attentats, etc. Donc ça devient quand même un calendrier très lourd d'un point de vue symbolique. Et donc, on peut arriver à une sorte d'overdose en fait, commémorielle, également pour les téléspectateurs qui ne prêtent même plus attention au moment où François Hollande va déposer une gerbe devant telle ou telle stèle à la mémoire des gens. Donc, le problème aussi, c'est que l'histoire, j'en parlais tout à l'heure, qui est forcément complexe et qui est toujours inachevée, hein, l'histoire d'un point de vue scientifique, elle est constamment en questionnement. Il y a des données qui sont... sont revues systématiquement des choses que l'on croyait savoir sur des périodes des derniers siècles et qui en fait ont complètement été revisitées, revues par les historiens d'aujourd'hui. Donc le problème, c'est que cette histoire, ce traitement sérieux de l'histoire et des faits, il laisse sa place au jubilé, au chiffre rond, les 5 ans, les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans de quelque chose. Et c'est toujours prétexte aux conscientisations cycliques. Donc on va conscientiser les individus, les téléspectateurs sur un problème, sur le prétexte que c'est les 10 ans de quelque chose. C'est les 5 ans, c'est les 1 an maintenant, puisque voilà, même après 1 an, on a une grande cérémonie d'hommage. Et donc on est là, on est pile poil dans cette scénarisation de l'information. Et donc là, évidemment, ça accompagne cette accélération du monde médiatique dont j'ai déjà parlé ces dernières semaines. Alors, un dernier exemple que dont je voulais vous parler, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Finalement, c'est un exemple de framing, dont je disais, ce cadrage dont on parlait ces dernières semaines. Eh bien, le cadrage, pour rappel, c'est, encore une fois, cette manière de délimiter le champ de vision. Délimiter le champ de vision de ce qui nous est montré. Okay, et c'est pas du tout anodin, d'un point de vue politique, puisqu'on va vous présenter les informations selon un angle bien défini. Alors, en psychologie sociale, on a déjà dit aussi, la notion de cadrage, c'est l'imposition d'un cadre cognitif. Donc, on va vous donner les éléments qui vont vous aider à réfléchir sur une question, sur les éléments éthiques, parfois, ou les éléments de remise en question, critique. Et donc, tout cela est bien sûr très important. Alors, là, un exemple qui est un petit peu plus léger, même si c'est très triste, moi j'ai été très triste sur le moment même, c'est il y a donc peu moins d'un an, le décès de David Bowie en 2016, dans le 11 janvier. Et donc, il y a une information qui était sélectionnée par Le Soir, pour vous montrer un peu ce cadrage de ce framing à l'œuvre. Information sélectionnée par le Soir, qui traitait d'une fresque réalisée dans une galerie commerçante, je pense que c'était Pomondor, je ne sais pas, par un artiste belge, à la demande de Sony, donc la multinationale Sony, pour la sortie de l'album Black Star, l'album de David Bowie, qui était donc décédé le 11 janvier. Et donc, une fresque qui, depuis la mort de l'artiste, se transforme, nous dit l'article, en véritable mémorial. On a les mots dans la mémoire, donc même toute affiche publicitaire est propice à cette fameuse mémoire. Alors, c'est un phénomène qui, bien sûr, pas sans rappeler les fleurs, les bougies devant les Apple Store au moment du décès de Steve Jobs, hein, où les Apple Store sont devenus des sortes de chapelles consuméristes improvisées. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans cet exemple, c'est que vous avez la page Facebook aussi du Soir au même moment qui sous-titrait cette information en disant l'œuvre d'un Belge. Hein, donc, attention, c'est l'œuvre d'un Belge. Et donc, ça permettait à ce moment-là de fixer géographiquement, topographiquement, dans la galerie de la Colombe d'Or, ce décès d'une star planétaire, d'une star mondiale, dans un contexte belge, de belgiciser, si vous voulez, l'émotion mondiale, le temps que durera le deuil, hein, médiatiquement scénarisé, avant la prochaine star qui va tirer sa révérence. Hein, Dieu sait qu'en 2016, ça ne va pas mal. Donc, on est là dans une scénarisation de l'émotion, puisque on livre des espèces de micro-happenings, des événements qui ne sont pas très, très importants, mais aux foules sentimentales sur Internet, et qui s'adonne, vous savez, à cette tendance que l'on a aujourd'hui, vous observez ça sur Twitter et ailleurs, les fameux RIP, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, RIP, même des gens que vous ne connaissez pas en fait auparavant, il y a une sorte de contamination émotionnelle qui se met en place à chaque décès d'une personne connue. C'est ce qu'on appelle, en psychologie sociale et en communication d'ailleurs aussi, la syntonisation des émotions. Alors c'est quoi la syntonisation? Pour ceux qui peut-être s'intéressent un petit peu à tout ça, aux fréquences, c'est l'ajustement de multiples circuits sur une même fréquence, la syntonisation. Et donc le but c'est d'ajuster différentes émotions sur une même fréquence. Et donc, on va essayer de miser sur l'unanimité du chagrin. Donc, bien sûr, ça a une conséquence également sur ce type d'information, puisque très rapidement, elle devient éphémère, et on risque très vite d'asphyxier l'émotion véritable et la transformer en ce qu'on appelle communément des old news, donc des vieilles informations balayées par un flux informationnel habituel. Alors, Dans les événements tragiques dont je parlais tout à l'heure, donc les événements que ce soit à Paris ou à Bruxelles, on est là aussi dans une forme d'incantation, hein, du passé. On a parlé de scénarisation et encore une fois, là, ça sert surtout à désamorcer une forme d'horreur vécue qu'on a tous vécue de près ou de loin. Et en l'intégrant dans un récit maîtrisé. Ici, c'est la même chose. On essaie d'intégrer un événement, le décès d'une personnalité, dans un récit maîtrisé. Et donc la séquence de crise dont je parlais tout au début, qui est par essence chaotique, elle va bouleverser les médias, mais également les politiques. Et tous les deux vont essayer toujours d'appliquer une grille de lecture, un cadre cognitif, donc un framing, dont je parlais tout à l'heure, aux événements qui se déroulent en temps réel, devant eux, ou en léger différé. Donc des événements qui subissent à l'image de l'ensemble de la population. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que pour la classe politique, il vaut mieux miser sur la séquence post-traumatique. Donc c'est pas pour rien que Hollande mise particulièrement sur cet accompagnement des victimes, sur cet hommage en boucle, sur ces commémorations, parce qu'il y a là, en tout cas, beaucoup plus de potentiel pour le politique de sortir son épingle, de tirer son épingle du jeu. Et il laisse la communication de crise à l'autre, ce qui n'est pas le cas en Belgique. En Belgique, Charles Michel en charge la communication de crise, ce qui qui lui est parfois reproché, parce qu'il y a peut-être une lecture politique, il y a peut-être d'autres enjeux derrière, et ce n'est pas un procureur neutre qui s'en charge. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une approche plutôt post-traumatique dans un contexte de crise? Eh bien, comme le dit le psychologue Michel Schneider, qui a écrit un bouquin intéressant, Big Mother, sur la psychopathologie de la vie politique, il explique que le discours politique aujourd'hui il est devenu de plus en plus psychotrope, une sorte de drogue, hein, un calmant, et c'est apparu en fait dans les années 80. On a vu l'apparition d'un état psychanalyste, le dit Schneider, à l'écoute d'une société malade, d'individus qui sont déconfiancés, d'une société malade, et cet état, ce pouvoir, proposait en tout cas de libérer ces individus de leur mal-être. Et donc, comme lui, les groupes, les institutions empruntent de plus en plus la posture qui pourrait être celle du psychanalyste, donc l'État est là pour écouter la souffrance, accompagner la souffrance. Donc c'est pour ça qu'on parle en tout cas d'État ou de discours politique psychotrope, parce que le but c'est d'accompagner psychologiquement, émotionnellement les gens dans leur tristesse, dans leur tragédie, etc. Alors de manière plus générale, on observe donc que le politique cherche à capitaliser sur tout type d'émoi collectif. Alors, parfois, on pourra parler de récupération, mais en tout cas, l'objectif majeur, c'est de se greffer quasiment en temps réel, de manière relativement identique, hein, mimétique, sur le calendrier commémoratif des médias, dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut à chaque fois que le politique accompagne cette émotion collective qui est médiatisée en continu. Et donc, pour reprendre l'exemple d'un instant sur le décès de David Bowie, exemple symptomatique, on apprend le décès de David Bowie, on perçoit côté politique qu'il y a une émotion collective importante, on voit que les médias titrent qu'il y a des lieux de mémoire, de recueillement, etc., à Bruxelles, dans les galeries commerçantes, c'est intéressant, et on a l'échevin bruxellois Philippe Clause, qui, on nous dit, est un grand amateur de rock, propose de transformer la Grand Place en lieu d'hommage, lieu de mémoire pour David Bowie, hein, le temps d'une soirée. Et donc, je cite, ce qu'on trouvait pas sur l'article, mais un best-of des titres de l'artiste sera diffusé sur la Grand Place, a expliqué donc la porte-parole de l'échevin. Ils ont constaté, Philippe Clause et son entourage ont constaté que les réactions étaient très nombreuses sur les réseaux sociaux, et donc le cabinet de Philippe Clause n'était pas encore en mesure de déterminer le nombre de participants, mais a donc espère un grand nombre de gens qui viendront se recueillir sur cette place. Donc c'est ça, cette fameuse liturgie du vivre ensemble dont je parlais tout à l'heure, c'est cette idée que le politique aujourd'hui il doit offrir des moments d'émotion, des moments de recueillement, des moments de communion autour de tout et n'importe quoi. Ici, en l'occurrence, le décès d'un artiste très lointain, qui est bien sûr pas mort à Bruxelles. Il n'y a pas eu la même chose pour tout type de man, je pense, mais bon. Donc on voit en tout cas un exemple ici. Donc, c'est cette fameuse liturgie du livre ensemble, que certains vont bien sûr critiquer, hein, on va dire c'est une sorte de guimauve compassionnelle, enfin bref. Mais où rien n'est laissé au hasard. Donc, le politique ne laisse rien au hasard. Il y a un respect des communautés religieuses, il y a souvent une célébration de la diversité, parce qu'il y a un message politique qui vient soutenir tout ça, et qui permet de réintégrer la tragédie ou les événements subis ou vécus dans un script politiquement corrigé. Donc, c'est pour ça que la séquence post-traumatique est intéressante, puisqu'elle permet finalement aux politiques de réinterpréter, de corriger le réel avec des éléments issus de son propre programme, mais de son propre imaginaire, issus de ses propres priorités. Donc c'est un récit qui, à ce moment-là, est enfin sous contrôle, ce qui n'est bien sûr pas possible dans la phase de crise. Voilà, j'ai terminé ma liturgie. Je vous souhaite une bonne soirée. Maybe it's a bit of a